إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. نعم، القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. C'est-à-dire la puissance, c'est un attribut وصف يتمكن به الفاعل qui permet à celui qui fait de faire بدون عجز sans impuissance et sans défaillance. فهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى c'est l'omnipotent. فهو على كل شيء قدير. يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يقدر على إيجاد المعلوم. الله تعالى peut faire exister le néant, la chose qui n'est pas, il peut la faire exister. Wa ala i'dam al-mawjoud, et il peut aussi, par contre, il peut aussi anéantir, yani la chose qui déjà existe, elle devient néant. Naam. Il a dit par exemple, fa samawati wal ardu kanat ma'duma. Par exemple, les cieux et les terres n'existaient pas, c'était du néant auparavant, bien sûr. فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. فالله سبحانه وتعالى l'a créé, il a fait, il a inventé, il a fait exister d'après ce magnifique يعني décor ou l'ordre. نعم هذا النظام البديع. Ensuite il a dit تنبيه remarque. Il a dit voilà une remarque ici. نعم. ذكر في تفسير الجلالين. Il y a un livre d'explication du Coran qui s'appelle Tafsir al-Jalalain. Naam. Il est très connu ce livre. Il est très simple, un seul tome. Mais entre parenthèses, il contient beaucoup de fautes. Il est dans la Aqida. Naam. Déjà, il va citer ici une faute. Mais il est bien pour le vocabulaire. Par exemple, les mots. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot en arabe? Il te le donne comme ça très facilement. Mais celui qui veut se baser sur quelque chose, par exemple, de simple, dans le Tafsir Coran, quelque chose de simple, et de solide dans la aqida. Non, ça ne suffit pas d'être simple et que je sois égaré. Il faut que ça soit simple et que ça soit basé sur quelque chose de sûr et quelque chose qui a trait avec ce qu'on dit et salaf salah radiallahu ta'ala anhu. Alors ici, je lui conseillerais un livre très simple de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Pardon, c'est pas Cheikh Ibn Uthaymin. C'est son cheikh, le cheikh de Cheikh Ibn Uthaymin, s'appelle Cheikh Sa'di Rahimahullah. Naam, Cheikh Sa'di Rahimahullah a un livre de tafsir très très simple, un seul tome, mais masha'Allah, il ne contient que bien sûr la aqida sahiha. Il est très simple d'un côté, et de l'autre, il ne contient que la aqida sahiha bi'idhn Azza wa Jal. Ici, le cheikh Ibn Uthaymin a dit que dans le tafsir al-Jalalain que j'ai cité, il a dit afallahu anna wa anu, que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et nous pardonne. Il a dit, il a cité fi akhiri surat al-Ma'ida manso. Il a dit qu'il a cité à la fin de surat al-Ma'ida, il a cité quoi? La phrase suivante. Wa khassa al-aqla dhata. En parlant de Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وخص العقل ذاته. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, il est capable de tout faire. Il a dit sauf une chose. Il a dit quoi? Il a dit sauf ce qui a rapport avec son essence et son entité. Zatuhu subhanahu wa ta'ala. Il a dit en ce qui concerne lui-même, Zatuhu, il a dit c'est excepté, il ne peut pas. Il a dit, et quel est le dalil? Et regardez quel est le dalil, c'est ça le malheur. Et le dalil, il a dit, c'est le raisonnement. Yani, c'est notre cerveau, par raisonnement, yani, on déduit que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, est capable de tout, est omnipotent, sauf en ce qui concerne dhatahu, sauf en ce qui concerne son entité. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, a dit, wa nahnu nunaqishu hadha al-kalam min wajhayn. Et nous, on va débattre et controverser aussi ce qu'a dit ici, ce qu'il a dit ici, en deux points, pour montrer que c'est faux. Le premier point, annahu la hukma lil aqli fima yata'allaqu bi dhati Allah wa sifatihi. Regardez, le premier point, c'est une base que tout salafi doit connaître. Et si, d'ailleurs, s'il ne marche pas avec cette base, il ne peut pas être salafi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit annahu la hukma lil aqli fima yata'allaqu bi dhati Allah wa sifatihi. C'est-à-dire, le raisonnement n'a aucun effet, encore moins une influence, sur quoi? Sur ce qui a rapport avec l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Naam, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'a dit Sahib Tafsir Jalalim par malheur. Donc, Ibn Uthaymeen, rahimahou, corrige ici. Le raisonnement, je répète, le raisonnement n'a aucun effet sur ce qui a rapport avec l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Naam. Car l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, ce sont des choses qu'on ne peut connaître que si on a un verset et un hadith authentique. C'est tout. Si on n'a pas un verset avec nous, ou on n'a pas un hadith qui est authentique, il est impossible qu'on sache quelque chose sur l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors sur ses attributs. C'est impossible. Non. Comment vais-je savoir que Allah ta'ala a deux mains? Pourquoi ce n'est pas trois? Pourquoi ce n'est pas quatre? Pourquoi ce n'est pas dix? Pourquoi je ne dirais pas il n'a pas de mains? Non. Pourquoi il a des mains? Pourquoi il en a deux? Et comme ça, les yeux, pourquoi deux? Pourquoi il rit? Quel est le délire que Allah ta'ala rit? Qu'il descend, qu'il se met en colère, qu'il s'étonne? Ces choses, non. Comment puis-je les savoir s'il n'y avait pas de verset et de quoi? Et de hadith authentique. Car nul ne se connaît mieux que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Naam. Et nul ne connaît Allah azza wa jal mieux que ses prophètes. Et mieux que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nous, pour que nous connaissions Allah azza wa jal, il faut qu'on prenne ses attributs et ses actes aussi, du Coran et de quoi? Et du hadith sahih, pas du hadith faible, et encore moins du hadith qui est fabriqué, mais seulement du hadith sahih. Naam. Donc, la première base c'est quoi? On doit dire que le raisonnement n'a rien à voir avec la aqida, et surtout dans ce qui a rapport avec l'entité du Seigneur Azza wa Jal, ou alors de ses actes et de ses attributs. Imaginez, si le raisonnement avait de l'influence sur ça. Non. Si le raisonnement avait de l'effet sur ça. C'est-à-dire que chacun aurait décrit Allah subhanahu wa ta'ala d'après son raisonnement. Non. Celui-là, il va prendre une cigarette, hein, il va, avec un thé, il va réfléchir un peu, il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur Adam, naam, il a deux têtes. Pourquoi? C'est comme ça que m'a dit ma tête. J'ai bien raisonné, je vois qu'il a deux têtes. L'autre, il va dire, je vois que, par exemple, c'est impossible qu'il parle. Car s'il parle, nous aussi nous parlons. Donc il nous a ressemblé. Ensuite, l'autre, il va dire, le Seigneur Adam, le Seigneur, par exemple, c'est impossible qu'il rie aussi. Le rire, c'est seulement les êtres humains qui rient. Donc s'il rit, là, c'est un être humain. Et comme ça, il va raisonner, et ça ne va donner que de l'égarement. Le raisonnement dans la aqida ne donne que l'égarement. Mais la aqida, ça se fonde de quoi? Surtout, yani les attributs spécialement, plus particulièrement dans la aqida, je parle des attributs et de l'entité d'Allah Azzawajal, ça ne se prend que du Coran et des versets, des versets et des hadiths authentiques. Donc ça, premièrement, il a dit, « Bel, la hukma law fi jami' al-umur ghaybiyya. » Cheikh Ibn Uthaymeen reprend ici, il dit, « Non seulement, le raisonnement n'a pas d'effet sur l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, mieux encore, il n'a pas d'effet dans tout ce qui relève du monde, du caché et du mystère. Jami' al-umur ghaybiyya. Tout ce qui est caché, l'invisible, le domaine de l'invisible, le cerveau, le raisonnement, n'a rien à voir avec cet invisible. Non, il a dit pourquoi ? Wa wadifatu al-aqli fiha at-taslim at-tam. Et yani la fonction du cerveau, c'est de faire quoi ? Ou bien de l'esprit, c'est quoi ? C'est la soumission totale. Non, c'est la soumission totale. Ce n'est pas il va raisonner et donner des conclusions. Non, il ne va pas raisonner et donner des conclusions, mais il va se soumettre au texte. Il va se soumettre au texte. Wa anna alama anna ma dhakarahu Allah min hadhi al-umur laysa muhalan. Et qu'on sache aussi que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité de ces choses-là n'est pas impossible. Wa li hadha yuqal. C'est pour ça qu'on dit, bon, il va citer une règle, il dit inna an-nususa la ta'ti bi muhal. وإنما تأتي بمحار سبحان الله العظيم إن النصوص لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار je vais écrire ça en arabe une seconde. لا تأتي بمحال نعم ولكن تأتي بمحار. Regardez la différence, il y a seulement une lettre. Pardon, je l'ai écrit l'autre en français. بمحار. Non, la première, bimuhal. La deuxième, bimuhar. Bimuhar. Et la différence, c'est quoi? C'est le L à la fin et le R. Non, muhal, muhar. C'est quoi muhal? Muhal, c'est impossible. Là, on dit à quelqu'un, tu lui dis par exemple, il s'est passé telle chose, il te dit muhal, c'est impossible. C'est impossible que ça soit arrivé, muhal. Non, en arabe, bien sûr. Et muhar, c'est la chose qui étonne. Hein, on dit, Foulan fi hayra. Foulan est perplexe. Il n'a fi hayra, il ne sait plus ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait la hijra maintenant ou il la laisse après? Est-ce qu'il va au hajj ou il fait la hijra? Il est fi hayra, muhar, naam. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les textes en islam. Les textes, c'est-à-dire les versets, les hadiths, peuvent venir avec des choses qui peuvent te rendre perplexe, mais ne peuvent jamais venir avec des choses qui sont impossibles. Naam. Est-ce que vous concevez que l'islam nous vienne avec des choses qui sont impossibles? Est-ce que ça se conçoit en islam que Allah Ta'ala, par exemple, me donne un ordre pour que je vole avec des ailes, alors que je n'ai pas d'ailes et je ne peux pas voler? Allah Ta'ala va me dire, si une fois par jour vous ne volez pas 500 mètres en haut et vous descendez, vous allez en enfer. Subhanallah, moi je ne peux pas voler. Je ne peux pas, j'ai pas d'ailes. Et si j'avais des ailes, je ne sais pas si je peux voler. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande jamais quelque chose qui est impossible. Vous voyez, dans les ibadats, dans les adorations, est-ce qu'on fait quelque chose qu'on ne peut pas faire? C'est impossible. On ne peut pas faire la prière debout, on la fait en position assise. On ne peut pas assis en position. Elle est sur le flanc. On ne peut pas sur le flanc avec les yeux. On ne peut pas avec les yeux, avec le cœur. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yahmou. Et comme ça, il n'y a rien. On ne peut pas faire le ramadan. On est malade. On laisse après. Lorsqu'Inch'Allah Ta'ala, on sera guéri. On ne va pas guérir. On donne l'argent à la place de quoi? À la place des jours qu'on a mangé. Il n'y a pas plus facile que l'islam. C'est pour ça. Je donne une règle moi aussi. Si vous trouvez quelque part en islam, qu'il y a des difficultés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, seulement, vous n'avez pas vous, ça veut dire moi aussi, bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de science pour savoir où est la permission de cette chose. Non. Toute chose difficile a une permission qui te permet de la rendre facile. C'est pour ça qu'on dit en arabe, qaïda, ils disent, al-amru ida dhaqa tasa. La chose, la situation, si elle, c'est une règle, la situation, si elle devient difficile, elle se facilite. Subhanallah al-azim. Al-amru ida dhaqa tasa. La situation, si elle devient difficile, tasa. Elle s'étend. Subhanallah al-azim. Donc, c'est impossible que vienne un texte, que ce soit un verset ou un hadith authentique, et qui nous oblige, ou là, nous contraigne à ce qu'on fasse quelque chose d'impossible. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il a dit, l'Ahmou? Il a dit les textes contiennent des choses étonnantes, des choses perplexes pour nous. Nous qui n'avons pas de science, etc., on dit, subhanallah al-azim. Ça, c'est permis, subhanallah al-azim. Ça, c'est ceci. Parce qu'on n'a pas de science, c'est tout. Mais c'est impossible que les textes viennent avec quelque chose d'impossible. Donc je répète la règle. قال إن النصوص لا تأتي بمحال. إن النصوص لا تأتي بمحال. Les textes ne viennent pas avec l'impossible. Mais إنما تأتي بمحار. Mais les textes viennent avec des choses qui peuvent nous étonner et nous rendre perplexes. نعم. Il a dit pourquoi? Pourquoi elle nous rend perplexes des fois? لأنها تسمع. Parce que on va entendre ماذا تدركه. On va entendre des choses qu'on ne conçoit pas. Wa la tatasawwaru. Des choses que je ne peux pas concevoir dans ma tête. Non, je n'ai pas de science. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre. Donc, je vais rester un certain temps perplexe. Jusqu'à ce que je demande aux ulama qui vont m'expliquer. Et là, je verrai que tout est clair, masha'Allah. Tout est clair. C'est pour ça que les fautes, en fait, ne se trouvent pas dans l'islam. Les fautes se trouvent en nous. Si par exemple on dit il y a deux hadiths, il y a deux hadiths contradictoires. En fait, il n'y a pas de hadiths contradictoires, ça n'a jamais existé. Ni deux versets contradictoires, ça n'a jamais existé. Ni un verset et un hadith qui se contredisent, ça n'a jamais existé. Donc qu'est-ce que ça existe? La contradiction existe à un autre niveau. Nous, qui n'avons pas de ilm, nous n'avons pas de science, nous ne sommes pas des savants, on va croire qu'il y a une contradiction. Mais en fait, si on demandait aux savants, on verrait que c'est clair comme le soleil, mashallah, en plein jour. Je donne un exemple très simple ici, très simple. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'il a dit, « Oum Abdullah, écris mon numéro 1, barakallahu fik. » Naam. Tayyib. Alhamdulillah, n'oublie pas, jazakillahu khairan, toutes les 3-4 minutes. Car des fois je suis déconnecté, je ne sais pas. Si je ne te vois pas écrire, ça veut dire que je suis déconnecté. Je dis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, par exemple, la salata li ha'id, non, la salata li ha'id illa bi khimar. À peu près, hein, c'est à peu près comme ça le hadith, non, c'est à peu près comme ça. Il a dit, illa bi khimar. C'est-à-dire que celle qui a les monstrues ne peut faire la prière que si elle a quoi? Si elle a le khimar. Le khimar, c'est le voile qu'on met sur la tête. Le khimar, c'est le voile qu'on met sur la tête. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. » Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme qui a les monstrues seulement avec le voile sur la tête. Donc s'il y a quelqu'un qui va venir, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas d'ilm, il va être perplexe. Il va dire, comment se fait-il qu'une femme menstruée, en pleine règle, elle va faire la prière? Car le hadith a dit ici que Allah Ta'ala n'accepte pas de la prière qu'avec le voile sur la tête, le foulard. Donc si elle met le voile sur la tête, le foulard, donc il va accepter d'elle sa prière alors qu'elle est en plein menstru. Comment ça? Et pourtant, le hadith est authentique. Il va dire donc maintenant, moi j'ai des doutes. En islam, j'ai des doutes. Le prophète, alayhi sallam, dit des choses qui ne sont pas vraies, dit des choses inconcevables, etc. Il va rester perplexe et peut-être même, il va dire, l'islam est faux, etc. Moi, je ne vais plus suivre cet islam, etc. Il contient beaucoup de contradictions. Alors que, s'il avait demandé au ulama, il lui aurait expliqué que veut dire le hadith. Et moi une fois, mashallah, un frère, mashallah, qui est avec nous dans le plateau, qui fait des doros, mashallah. Et subhanallah al-azim, il a dit, il a expliqué le hadith, ou bien il a cru que son sens, c'était l'autre sens, c'est-à-dire le premier sens que j'ai cité tout à l'heure, le faux. Il a cru que, yani, subhanallah al-azim, si elle mettait donc le khimar, donc comment elle serait acceptée sa salat? Il s'est étonné. Donc, le vrai sens c'est quoi? La monstruosité, ha'id, ça veut dire la femme qui a atteint les menstrues. Naam. La femme qui a atteint la puberté. Quand la femme atteint la puberté, elle commence à avoir les menstrues. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme. Naam. La prière d'une femme quand elle commence à avoir les menstrues que si elle met un foulard. C'est pour montrer que en islam, il est permis à la fille qui n'a pas encore les menstrues de faire la salat sans quoi? Sans le voile sur la tête. Mais sans le foulard, je veux dire. Mais nous, on lui apprend à faire avec le foulard, sinon elle va prendre la mauvaise habitude et elle va s'oublier toujours ainsi son foulard. Naam. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah Ta'ala n'acceptait pas la prière de la femme qui a des menstrues seulement si elle met un foulard. Alors si elle met un foulard, c'est quoi menstruer ici? Ça veut dire qu'il a commencé à avoir des menstrues. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fait la prière avec les menstrues. Si elle fait la prière avec les menstrues, comme font certaines femmes qui ont honte. Certaines femmes, elle a les menstrues, elle a dit, j'ai honte. Par exemple, il vient mon père, il me lève pour faire la prière. Alors, elle commence à faire la prière. Ça, elle a fait un haram. Elle a fait des péchés, bien sûr. Pour avoir fait la prière tout en ayant les menstrues. Et d'autres femmes aussi ont honte. En honte, qu'est-ce qu'elles font aussi? Elles font le jeûne, le ramadan avec les menstrues. Elle dit, je ne peux pas devant mes parents, etc. Donc, je ne mange pas. Alors que ça veut dire qu'elle a fait un péché. Ne me dites pas que c'est difficile de boire une seule goutte d'eau. Une seule goutte d'eau sans que personne ne le sache. Je rentre dans les toilettes, je bois une goutte d'eau. Est-ce que ça, yani, mon père va me boire ou ne va pas me boire? Non, c'est impossible. Non. Donc je disais, l'islam en islam, il n'y a pas des choses qui, il n'y a pas des textes qui nous demandent de l'impossible. Mais il y a des textes qui peuvent nous rendre perplexes. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est, premièrement, donc nous sommes avec Cheikh Ibn Uthaymeen Allahyarhamou, il est en train de, yani, débattre avec le Cheikh, yani, qui a dit quoi? Qui a dit que, avec le raisonnement, on peut, yani, on peut accepter l'essence d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Donc, là, ça dit premièrement. Maintenant, deuxièmement, il a dit, قوله ليس عليها بقادر. Il a dit, lorsqu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable, yani, de son entité, il a dit هذا خطأ عظيم, c'est une grave faute. Il a dit ça, c'est une grave faute. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره. Comment Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable, yani, de lui-même alors qu'il est capable des autres. Moi, il me fait vivre, il me fait mourir, il me donne des maladies, il me guérit, il me donne des biens, etc. Il est capable de tout cela. Et comment ne serait-il pas capable de lui-même, de ce qui a rapport avec lui-même, son entité, ses attributs? C'est pas possible. Non. Moi, si je peux, par exemple, donner de l'argent à quelqu'un, c'est que moi-même, j'ai de l'argent pour me nourrir, par exemple. Je ne peux pas donner à un pauvre alors que moi, je suis pauvre. Il faut que je sois riche pour donner à un pauvre. Il faut que je sois fort pour aider quelqu'un qui est faible. C'est impossible que je sois faible et j'aide. Naam. Donc, il a dit, c'est une grande faute, une grave faute aussi. Il a dit, فَكَلَامُهُ هَذَا يَسْتَلْزِمْ أَنَّهُ لَا يَقْدِرْ أَنْ يَسْتَوِي وَلَا أَنْ يَتَكَلَّمْ وَلَا أَنْ يَنْزِلْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا أَبَدًا. Il a dit, donc si on va suivre ce qu'a dit ce bon homme, donc d'après lui, il a dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne peut ni parler, ni descendre chaque nuit. Allah Ta'ala chaque nuit descend au ciel de la dunya. Il a dit donc Allah Ta'ala ne peut pas descendre aussi et il ne peut rien faire. Non. Et il ne peut pas aussi s'établir au-dessus du trône. Il a dit وَهَذَا خَطِيرٌ جِدًا. Et ça, il a dit, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Non. Il a dit فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَدَّبْ. Non. Il faut que nous, que les gens s'éduquent, ce qui a trait avec la seigneurie il faut être bien éduqué. Et en le maqam, maqam azim, parce que c'est un rang yani, vraiment très élevé. Et le devoir, très dangereux. Et le devoir, notre devoir c'est quoi? C'est la soumission. Le devoir, notre devoir, c'est la soumission. Iden, enfin il a dit, Iden, nahnu nutliqu ma atlaqa Allah. Nous on dit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a généralisé, il a dit, il est capable de tout. Il est omnipotent. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il est omnipotent. Capable de tout faire. On ne dit pas qu'on dise les autres, comme a dit celui-là, il est capable de tout, sauf de ce qui a rapport avec son entité et ses actes et ses attributs. Ça, c'est une grave, grave erreur. Naam. Ici, je voudrais faire moi une petite remarque ou deux remarques. La première remarque, regardez. Al-Sunna al-Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus disent Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Mais, il y a une secte qui est l'Asha'ira. Vous devez connaître l'Asha'ira, c'est sûr. On en a assez parlé. L'Asha'ira disent Inna Allaha ala ma yasha'u qadir. Ou qadir. Subhanallah al-Azim. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Capable de tout, tout. Ala kulli shay'in. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ala ma yasha'u qadir. Ou qadir, la même chose. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de ce qu'il veut. Et nous, on dit, il est capable de tout ce qu'il veut. Tout. Ala ma yasha'u. Ala kulli shay'in, pardon. Nous, on dit ala kulli shay'in. Eux, ils disent ala ma yasha'u. La différence entre nous et eux, nous, alhamdoulilah, on a dit, comme a dit le Coran. Le Coran, il a dit, omnipotent. Capable de tout. Il n'a pas dit, capable de tout ce qu'il veut, c'est tout. Parce qu'en fait, quand on dit, il est capable de ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas capable de ce qu'il ne veut pas. Alors là, c'est grave. Il n'est pas capable de ce qu'il ne veut pas. Alors là, c'est grave. Nous, on dit Allah Ta'ala est capable de ce qu'il veut et même de ce qu'il ne veut pas. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de ce qu'il veut et même de ce qu'il ne veut pas. Il est capable, yani, la chose qu'il n'a pas voulu, s'il veut, il va la faire vouloir et la faire exister bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. C'est pour ça que ici vient une question très qui se pose beaucoup, que beaucoup de kuffar posent, etc. Ils disent par exemple est-ce que Allah Ta'ala, puisque vous dites qu'il est capable de tout, est-ce qu'il est capable de créer un autre Dieu comme lui, puisque vous dites que Allah Ta'ala est capable de tout sans exception. Vous dites comme ça. Vous dites Allah Ta'ala est capable de tout sans exception. On dit oui, sans exception. Alors, est-ce qu'ils vont nous dire, alors, est-ce qu'il est capable de créer un autre Dieu comme lui, avec la même entité, la même essence, les mêmes attributs, etc. Quelle sera alors la réponse? Si tu dis oui, yani, donc Allah Ta'ala peut créer un autre Dieu comme lui. Si tu dis non, ils vont dire donc il n'est pas capable de tout. Il n'est pas capable de tout. La preuve, il ne peut pas créer un Dieu comme lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? La réponse est très très simple pour ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis sa lumière, un peu sa lumière dans leur cœur. On leur dit, le fait, on va supposer, c'est tout. Supposons que Allah ta'ala crée un deuxième Dieu, un autre Dieu comme lui. Le fait qu'il l'ait créé, c'est terminé. Le deuxième Dieu ne peut pas être un Dieu parce qu'il a été créé, alors que le Dieu n'est jamais créé, c'est un créateur. Le fait que Allah Ta'ala ait créé un deuxième Dieu, donc le deuxième Dieu, en fait, ce n'est pas un Dieu, car un Dieu crée et ne se crée pas. Non. C'est pour ça qu'on dit que si vraiment ça se faisait, et si Allah Ta'ala créait un deuxième Dieu, alors nous, on adorerait le premier Dieu, le créateur, pas le créé. Non, pas celui qui a été créé. Et déjà, s'il créait un deuxième Dieu, déjà, la différence entre le premier et le deuxième serait énorme. Allahu Akbar, le premier est créateur, le deuxième a été créé. Regardez donc, c'est pour ça que la question en elle-même est fausse. Quand quelqu'un nous pose cette question, on lui dit la question est fausse en elle-même. Regarde qu'est-ce que ça donne cette question. Regarde qu'est-ce que ça donne comme conclusion. J'espère que vous avez compris, inshallah ta'ala. Deuxièmement, la deuxième remarque que j'ai, lorsque Allah ta'ala a dit qu'il était omnipotent, capable de tout, certains ulama ont dit il est capable de tout, mais il n'est pas capable de faire du tort aux créatures. Il n'est pas capable de léser et de faire du tort aux créatures. Là, ils ont dit ça, il n'est pas capable. Et un sunnah ou jama'a, on dit attention, ça aussi c'est une dérive. Ça aussi c'est faux. Jazakallahu khairan. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala a dit qu'il était capable de tout, omnipotent. Naam. Donc, un sunnah ou jama'a disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable aussi de faire du tort s'il le voulait. Mais il s'est interdit cela. Ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altu fi ma baynakum haraman fala tadhalamu. Vous connaissez le hadith sahih. Oh mes créatures, je me suis interdit l'injustice. Et je vous l'ai interdite, alors ne soyez pas injustes entre vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit à lui-même l'injustice. Il s'est interdit, c'est tout. Ça veut dire que s'il voulait la faire, il la faisait. S'il voulait léser ou bien faire du tort à quelqu'un, il peut le faire. Mais Allah Ta'ala, c'est le plus beau, le plus juste. Il s'est interdit cela. Il a dit, je ne fais pas cela. Mais conclusion, s'il voulait, il le faisait. Ce n'est pas comme on dit les autres, ils ont dit qu'il ne peut pas faire cette chose. Il y a même certains grands ulama comme Barbahari, rahimahullah, qui a dit cette chose. Il a dit que Allah Subhanahu wa Ta'ala ne pouvait pas yani être injuste, ne pouvait pas léser, et Ibn Taymiyyah rahmatullah lui a rendu yani lui a rendu et a montré que c'était une parole fausse. Il a dit ce qu'il a dit ici Barbahari rahmatullah, hiya min jinsi maqalati ahli bid'a. Il a dit ce sont ahli bid'a qui disent une chose pareille. Bien sûr, il ne veut pas dire que l'imam Barbahari c'est un mubtadi', jamais au grand jamais, c'est un grand imam de la sunna, mais il a fait une faute ici, en disant cette chose. Cheikh Islam a montré que cette chose, ce sont les innovateurs qui la disent. Il a dit, je ne veux pas dire que Barbahari est un innovateur, mais ça, yani, ce sont les innovateurs qui ont ça dans leur dogme. Il a dit, donc ce qu'a dit le Cheikh ici est faux. Car en Islam chez nous, on peut faire des innovations sans être toutefois innovateur. Non, on fait des innovations, on n'est pas innovateur. Comme on peut dire ou faire quelque chose de kof, on n'est pas kafir. On n'est pas kafir. Et ce n'est pas comme les takfiriyoun qui disent que quiconque il dit quelque chose de kof ou là il fait quelque chose de kof, il est devenu kafir. Naam. Tayyib. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allaha huwa al-Razzaq. Inna Allaha huwa al-Razzaq al-Matin. Naam. Une chose ici, une petite chose. Maintenant, si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a deux attributs ici. Naam, on vient de lire deux attributs. L'ilm, la science, et le qudra, la puissance. Maintenant, à quoi ça nous sert de savoir que Allah ta'ala, il embrasse tout de sa science et qu'il est le plus puissant et que rien ne peut entraver sa puissance. À quoi ça nous sert? Ça nous sert quand tu attestes cela de ton cœur, que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, donc tu ne peux rien cacher. Tu sais que même les choses que tu te dis à l'intérieur, il les entend, subhanallah. Mieux que ça, il sait que tu allais les dire avant que tu ne les dises. Subhanallah l'adim. Et alhamdoulillah, l'islam, alhamdoulillah, ne nous donne pas des péchés à cause des choses qu'on se dit dans la tête ou bien dans le cœur. Alhamdoulilah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allaha tajawaza an ummati ma hadath bihi anfusuhum ma lam yaf'al aw ya'mal. C'est-à-dire que ce que tu te dis dans la tête ou bien dans ton cœur, si tu ne parles pas de cette chose, tu ne parles pas aux gens, tu ne dis pas je vais faire telle chose ou telle chose, ou bien tu ne la fais pas, Allah Ta'ala ne te la compte pas comme péché. Alhamdulillah. Sinon, ça aurait été très grave. Ça aurait été très grave. Lequel de nous ne pense pas des choses qui sont pas bien pendant la journée. Lequel de nous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pendant toute la journée, il n'y a pas une mauvaise idée, par exemple, qui lui passe par la tête? Ou bien un mot qui n'est pas bien, qui lui passe par la tête? Alhamdoulilah. Tant que tu ne dis pas cette chose à autrui, ou bien que tu ne travailles pas avec cette chose, tu la laisses seulement dans le cœur et dans la tête, alhamdoulilah, tu n'as pas de péché. Alhamdoulilah. C'est un fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est le fait qu'on sache qu'Allah ta'ala sait tout. Maintenant, quel est le fruit de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout? Peut tout. Non, c'est pour que ça te donne, yani, une grande surveillance dans ton cœur. Non, et ça te fortifie toi aussi. Le fait de savoir qu'Allah ta'ala est capable de tout. Non, quand tu vois ce qui se passe, les injustices qui se passent dans ce monde, tu vois les beurs, tu sais qu'Allah Ta'ala, s'il voulait, il se serait vite vengé. Mais il ne veut pas. Mais il peut. Alhamdoulilah, moi je sais qu'il peut. Mais il a laissé ça pour un jour, naam, le fameux jour de la résurrection et de la rétribution. Naam. Laisse-les ici faire ce qu'ils veulent, mais dans ce fameux jour, on verra. On verra ce jour-là, yani, comment sera leur fin. Ensuite, il a dit, Inna Allah huwa ar-Razzaq, ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Il a dit dans le verset, Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Une seconde, inshallah ta'ala, juste pour que j'écrive le ayah, le verset. Non. طيب moi je ne vois rien, peut-être que je suis déconnecté ou la main charge. Non. طيب الحمد لله. Donc voilà le verset. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم. Je vais donner ici une seconde en français. Voilà. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Ils ont les êtres humains, c'est mieux. Que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Non. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Et maintenant, Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Car en vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur. Non. Car en vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force. Naam, dhul quwwati al-matin, l'inébranlable. Naam. Donc ici, on va parler de quelque chose de très important. Et on va essayer, inshallah ta'ala, de la comprendre. Bon, il ne reste qu'un quart d'heure, pardon, je vais aller un peu vite. Ar-Razzaq, quand il a dit, c'est Allah le grand pourvoyeur, c'est-à-dire le dispensateur de tous les biens. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui donne les biens. Il n'y a pas un autre qui peut donner les biens. Naam. Ar-Razzaq, sifatun mubalaghatun min ar-rizq. Naam. Ar-rizq, ar-Razzaq. Regardez bien, en arabe, il n'a pas dit ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est celui qui te donne les biens. Ar-Razzaq, ar-Razzaq, c'est pour exagérer, pour montrer que, yani, il n'y a pas plus... Il n'y a pas quelqu'un qui donne de bien plus que lui. Naam. Il n'y a pas quelqu'un qui donne plus de bien que de lui. Il y a des formules comme ça en arabe, comment le mot, le verbe, on lui ajoute quelque chose, il contient alors le sens de quoi? De la multitude et de l'exagération, la multiplication des choses. Naam. Il a des razzaq. Tayyib. Qala ta'ala, wa idha hadara al-qismata ulu al-qurba wal-yatama wal-masakin, farzuquhum minha. Farzuquhum. Voilà notre verset où il est parlé de, pardon, non. Voilà un autre verset où il est parlé de risque. Regardez par exemple ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je vais voir, inshallah ta'ala, qu'il soit affiché. Voyez, regardez ce verset. Wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Alhamdulillah. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Hein? On est en train de parler ici, en arabe, Allah Ta'ala a dit, farzuquhum minhu. En français, offrez-leur, prenez-leur. Comment cela? Subhanallah. En fait, en islam, quand on va faire, par exemple, on a hérité quelque chose. Maintenant, on va départager. On va dire à celui-là, tu prends la voiture, toi, tu prends la maison, toi, tu prends. D'après, il y a des calculs que Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Coran. Supposons que assistent parmi nous quelques-uns de la famille qui ne sont pas des héritiers. Ils sont là, juste, ils sont venus assister avec la famille pour entendre celui-là qu'est-ce qu'il va hériter, celui-là qu'est-ce qu'il va hériter. Et il se peut qu'il y ait avec nous des gens qui n'héritent pas. Non, mon oncle, etc. Tayyib, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wa idha hadara. Mais si les proches parents, ou bien des orphelins, ou bien des nécessiteux, assistent au partage, alors donnez-leur quelque chose de l'héritage, subhanallah al-azim. Ou alors, si vous ne le donnez pas, au moins, parlez-leur convenablement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est l'une, il y a une des choses qui montrent que l'islam, c'est vraiment la plus belle religion. Non, sans se vanter, Wallah, sans se vanter. Vraiment, l'islam, je ne crois pas, si je ne crois pas, astaghfirullah, c'est vraiment la plus belle religion. Regardez, l'islam prend en considération les sentiments des autres, subhanallah al-azim, car il veut les réconforter. Il veut raffermir leur cœur et les consoler. Maintenant, quand moi j'assiste dans une situation où on va départager l'héritage. Et je vais entendre, celui-là, mashallah, il a hérité une belle villa, mashallah, je ne sais pas combien de millions. L'autre, il a hérité une belle ferme. L'autre, il a hérité une très belle, ou là, deux ou trois voitures. L'autre, il a hérité ceci, cela, de l'usine. Et moi, subhanallah al-azim, je n'ai pas un sou. Je n'ai pas peut-être de quoi acheter une paire de chaussures. Que vais-je sentir? C'est sûr que je vais sentir quelque chose dans le cœur. Mais l'islam prend en considération les sentiments des gens. Il dit, si jamais il y a des nécessiteux ou des pauvres qui assistent avec vous, il faut que vous leur donniez quelque chose. Non, il faut leur donner quelque chose. Pourquoi? Pour consoler leur cœur, les raffermir et quoi? Et les réconforter. Non. Et le fait que l'islam, en général, prenne en considération les sentiments des autres, c'est très connu. Il y a beaucoup de dalils en ce sens. Moi, une fois, j'ai fait une recherche spécialement dans ce sens, pour chercher les hadiths où il est cité. Qu'en islam, on réconforte les cœurs des autres et on doit prendre en considération leurs sentiments. J'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé pas mal de hadiths et de situations qui nous exhortent à faire cela. Naam. Je disais quelque part dans un cahier, un jour, inshallah ta'ala, je vous les lirai. Peut-être que l'exemple le plus clair, naam, c'est peut-être, si je me rappelle maintenant, c'est qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Esma. Esma, c'est la sœur de Aïcha. Il était marié avec Ibn Zubayr, radiallahu ta'ala anhu. Hein? Il a dit, ou bien elle a dit, parce qu'elle était fatiguée, etc. Il l'a rencontré comme ça un peu loin de la ville. Elle allait chercher les noyaux des dattes, etc. pour les moudre, etc. Naam. Il a dit, ou bien c'est elle qui a dit, elle a dit, j'ai voulu monter derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son chameau ou sur son cheval. Elle a dit ensuite, je me suis souvenu de mon mari, et que bien sûr peut-être que ça lui ferait mal, elle n'est pas montée sur le chameau même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, bien sûr, n'a aucun, jamais, n'a de vice dans sa tête, mais elle ne l'a pas fait à cause de son mari. C'est comme j'ai dit, prendre en considération les sentiments des autres. Et ça me rappelle aussi un hadith qui est sahih dans le Bukhari, car le premier hadith que je viens de citer de Esma se trouve aussi dans le Bukhari. Un autre hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté chez Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, quand il a fait l'ascension, vous savez qu'il est rentré au paradis. Il est rentré au paradis et il a vu certaines choses et il n'est pas rentré en enfer, mais a jeté un coup d'œil dans l'enfer. C'est-à-dire, de l'extérieur, il a vu ce qui s'est passé en enfer. Et entre autres, il a vu une femme qui avait un chat à la maison qui ne lui donnait pas à manger jusqu'à ce qu'il était mort. Il a vu la femme là-bas, à l'intérieur de l'enfer, en train d'être griffée par le chat. Elle ne lui a pas donné à manger et elle ne l'a pas laissé libre. Tu ne peux pas donner à manger à un animal, ne l'attache pas à la maison. Lâche-le pour qu'il aille manger dans la rue, dans la poubelle, dans la forêt. Ne le garde pas à la maison. Tu veux le garder, alors il faut lui acheter les choses nécessaires qu'il doit manger pour ne pas mourir. Moi, Inch'Allah, pourvu que ce ne soit pas un chien, c'est tout. Parce que le chien, il enlève chaque jour deux montagnes de récompenses, de hasanat. Quiconque a un chien à la maison, il lui enlève chaque jour deux montagnes. Imaginez, la montagne comme la montagne de Uhud. Ça veut dire des millions et des milliards de récompenses, il te les enlève chaque jour. Est-ce que nous, on a des millions de récompenses qu'il nous enlève? C'est sûr qu'il va nous écrire en crédit. Non, il va nous écrire en crédit. Je disais, sauf bien sûr si c'est un chien de chasse ou un chien de garde, un chien berger, qui on a des moutons, etc., on habite à la ferme, ça ce sont des exceptions. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, il est arrivé auprès, alors qu'il était dans le paradis, il est arrivé auprès d'un beau palais, un très très beau palais. Devant le palais, il y avait une jeune fille qui était en train de faire des ablutions. Ensuite, vous pouvez me poser la question, comment se fait-il qu'elle fasse des ablutions dans le paradis, alors que dans le paradis, il n'y a pas de prière? Je vous répondrai, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim, elle était en train de faire des ablutions, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé, c'est à qui ce palais? Ou bien ce beau palais? On lui a répondu, à un arabe. Il a dit, je suis arabe. C'est à qui ce palais? On lui a dit, à un Qurashite, quelqu'un de Quraysh, une tribu arabe qui s'appelle Quraysh, un Qurashite. Il a dit, je suis Qurashite. C'est à qui ce palais? On lui a dit, à quelqu'un de la nation de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est à qui ce palais? On lui a dit, c'est à quelqu'un qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, car on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de comment l'islam prend en considération les sentiments des autres. Il a dit, j'ai voulu rentrer dans ce palais pour le visiter. Mais je me suis rappelé la jalousie de Omar ibn Khattab. Vous savez que Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, était très jaloux. Non. Il a dit, je me suis dit, si je rentre dans le palais, je ne sais pas ce que je vais voir. Ensuite, quand je rencontrerai Omar, je vais lui dire, peut-être que je l'aurai touché. Il me dira peut-être, même s'il ne va pas me le dire, il va le sentir. Il va dire, pourquoi il est rentré dans mon palais? Il y avait des femmes à l'intérieur, il y avait ceci, il y avait cela. Il a dit, je n'ai pas voulu rentrer. Subhanallah al-Azim. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'il est loin de Omar, là-bas, dans le septième ciel, dans le paradis, et il ne veut pas faire du tort à quelqu'un. Il prend en considération les sentiments de Omar ibn Khattab. Il dit, je préfère ne pas rentrer dans le palais pour ne pas le blesser. Et bien sûr, quand il est descendu, il a raconté ça à Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a pleuré. Il lui a dit, ya Rasulullah, aminka ahar, ô prophète, de toi, vais-je être jaloux, ô prophète, de toi vais-je être jaloux? C'est impossible. Tu aurais pu rentrer, tu as la permission. Naam, mashallah, la quwwata illa billah. Donc l'islam, j'ai dit, prend beaucoup en considération les sentiments des autres. C'est pour ça que nous, qui suivons l'islam, nous qui suivons l'islam et qui on se dit salafi, etc., il faut aussi appliquer cette chose. Il faut au maximum, quand on parle avec quelqu'un ou on se comporte avec quelqu'un, au maximum de ne pas le blesser. Au maximum de ne pas blesser. C'est pour ça qu'on doit donc bien se surveiller qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit. Non, on doit bien se surveiller qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait aussi. Regardez, subhanallah, vous avez imaginé comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rentré au paradis, mais pas rentré dans ce palais juste pour ne pas blesser Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Et je suis sûr que s'il avait voulu rentrer, que Omar ne pourrait rien dire. Qu'est-ce qu'il va dire Omar ibn Khattab? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a décidé de rentrer. Peut-être c'est Allah ta'ala qui lui a donné l'ordre de rentrer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez à quel point il était sensible, à quel point il prenait en considération les sentiments des autres. Naam. Et plus on a yani, de la piété dans le cœur, et plus on a l'iman, et plus on a l'amour, la lumière, et plus on voudrait faire du bien aux gens, et plus, comme a dit Allah Ta'ala, wa qulu lin-nasi husnan, et dites aux gens le bien, naam, plus on veut être bien avec les gens, plus on veut les attirer, plus on veut leur donner des choses, plus on veut yani, yani le contraire exactement des gens qui font fuir les gens de l'islam. Je connais des gens qui, lorsque les gens les voient, ils disent, moi je ne rentre pas en islam à cause de cette personne et cette personne. Non, je dis, puisque l'islam, c'est comme ça, c'est d'après cette personne, donc je préfère rester dans mon égarement. Et il sait, il dit, ça, je suis égaré, mais je ne rentre pas en islam à cause de les comportements de certains gens. Et moi je dis, tous vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu ta'ala anhu, si Allah subhanahu wa ta'ala yani t'aide et guide quelqu'un et que tu sois toi la cause, afdal min humr na'am, c'est mieux que toutes les plus belles et les plus chères chamelles. Na'am, afdal. Moi je dis, et le contraire est vrai, quiconque est la cause pour faire fuir les gens, celui-là, le jour du jugement dernier, il va avoir le plus grand châtiment. Pourquoi ? Tu as fait fuir les gens de l'islam. L'islam, la religion d'Allah. Tu as fait fuir les gens d'Allah et ils sont partis vers le shaitan. Tu as été la cause pour qu'ils ne rentrent pas au paradis. Pour qu'ils soient rentrés en enfer éternellement. À cause de qui ? À cause de toi. Ils ont dit, je ne rentre pas en islam à cause de X et à cause de Y qui, yani, m'a donné une très mauvaise image de l'islam. Comme ça, certains frères et certaines sœurs. Vous rentrez dans leur salle du matin au soir, kafir, mouchrik, associateur, kafir, il va aller à Jahannam, mouchrik. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah, hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ensuite, il a dit, hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit, wa rizqu yanqasim ila qismayn. Naam, le bien. Maintenant, on va parler du bien, rizq. Il a dit, il se divise en deux sortes. Naam. Amun wa khas. Le risque qui nous arrive, les biens qui nous arrivent en général et les biens qui nous arrivent en particulier. Et on va parler aussi, inshallah ta'ala, de quoi ? De est-ce que le voleur, quand il vole, quelqu'un a volé et il a volé du pain, du fromage, etc., ou il a volé de l'argent, est-ce que ce risque, la chose qu'il a volée ici, est-ce qu'elle a été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné comme rizq, comme bien, ou elle n'a pas été écrite? Naam. Ces choses-là, inshallah ta'ala, on les verra dans le prochain cours bi'idhla azza wa jal, parce qu'il est exactement 23h. Je dois m'arrêter ici, inshallah ta'ala. Je souhaite de tout mon cœur que les questions aient rapport seulement ou bien avec le cours ou bien avec la aqida. Inshallah ta'ala, barakallahu fikum, laissez vos questions de Zawaj et de Talaq, décidé, inshallah ta'ala, pour le cours du fiqh. Le cours du fiqh, inshallah ta'ala, on parlera du... D'ailleurs, vous tous, vous savez qu'on a commencé le livre du mariage. Inshallah ta'ala, mercredi prochain, ce sera le deuxième cours sur le mariage, les règles du mariage. Laissez le Zawaj et le Talaq, et tout ce qui a trait avec le mariage, laissez-le spécialement pour le mercredi. Seulement pour le mercredi. Car c'est un cours qui ne parle que du mariage. ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, comment on se marie, comment, etc. Laissez donc les cours, les questions, barakallahu, et laissez les gens profiter de la aqidah pour apprendre la aqidah, insha'Allah ta'ala. On se rencontre, insha'Allah ta'ala, dans 10 minutes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.